Salut les 60, bienvenue sur Radio Guémozo. Des pommes, des poires et des Scooby-Doo, c'est le refrain qui donne la notoriété en 1958 à celui qui, 8 années de suite, a été classé meilleur guitariste de jazz français. Sacha Distel, dont on découvre autant l'impact sur les midinettes que sa virtuosité de musicien, a joué avec les plus grands noms du jazz, tandis que ses disques se vendent par dizaines de milliers. Les jeunes tressent des fils en plastique de couleurs diverses qu'on appelle Scooby-Doo. La rencontre en chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Doo. On a dansé toute la nuit, puis au jour on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa, et le soir en guise de dîner, elle me faisait manger. Des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Ah, pommes, pommes, poires et des Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Des pommes, des poires, et des Scooby-Doo. Ah, pommes, pommes, poires, et des Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo. Est facile à deviner, célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer. Des pommes, des poires, des Scooby-Doo. Ah, pommes, poires, des Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo. I'm her yesterday man. Something yesterday, man. Sur Radio Guémozo, les bons moments ont toujours une musique. Petit A. L'amour. Plus petit B. Les baisers. Plus petit C. Le cœur. Égal. X l'inconnu, toi mon inconnu. Si les livres d'école parlaient d'amour. Si les livres d'école parlaient d'amour. On apprendrait bien toutes les leçons et ça rendrait heureux filles et garçons. Si les livres d'école parlaient d'amour. Quand l'hiver monotone est de retour, on ne verrait personne sécher les coups. Alors on apprendrait comment s'embrasser, on se demanderait à redoubler si les livres d'école parlaient d'amour. Petit A, l'amour. Plus petit B, les baisers. Plus petit C, le cœur. Égal. X inconnu, toi mon inconnu, si les livres d'école parlaient d'amour. Le prof serait l'idole, ah quel beau jour. Chacun lui poserait 100 000 questions, lui nous répondrait pas d'une chanson. Si les livres d'école parlaient d'amour. Le rhume et la rougeole feraient demi-tour. Le beau temps de l'école serait trop court. Et quand viendrait l'été, adieu les bouquins, on serait félicité à nos examens. Si les livres d'école parlaient d'amour. Si les livres d'école parlaient d'amour. Moi j'irai à l'école la nuit, le jour. Si tu voulais, je pourrais m'y accompagner. On serait toi et moi toujours les premiers. Si les livres d'école parlaient d'amour. Oh si les livres d'école parlaient d'amour. Mais si les livres d'école parlaient d'amour. Oh si les livres d'école parlaient d'amour. Ah quelle belle chose, Christine Lebail, le livre d'école. Laissons les livres parler d'amour, c'était plutôt intéressant. Voyons plutôt ce qui nous attend cet après-midi. Adaptation contre version originale, au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs habituels. Nous évoquerons également le hit parade d'août 1964 et notre rubrique Le coin du spécialiste sera consacré à Bill Haley, le père spirituel du rock'n'roll. Merci de nous accompagner, excellente journée sur Radio Guémozo. C'est une poupée qui parle. Michel Polnareff chante et la religieuse de Jacques Rivette scandalise. Toute la journée. En Chine, le petit livre rouge de Mao fonde la révolution culturelle. Amen. Jean-Paul Belmondo joue les cambrioleurs dans un film de Louis Malle. À Mururoa, en Polynésie, la France s'éclate. La muse de la comédie pleure Buster Keaton. En finale de la Coupe du Monde de football, à Wembley, l'Angleterre bat l'Allemagne. Raymond Savignac présente le bic antidérapant et Brion Vega sort le transistor cube de Richard Sapper. Claude Lelouch, à Cannes, reçoit la Palme d'Or. Andy Warhol tourne en bourrique Chet Seegers. Les bas tiennent tout seuls. Pompidou inaugure le complexe nucléaire de Pierre Latte. Jour et nuit, allô, SOS 99-99. Et désormais, on est dépanné 24 heures sur 24. On dit que de droite son perpendiculaire, lorsqu'elle forme un angle droit. Mais je me demande ce que ça peut faire à qui n'est pas destiné à ça. Mais le produit, il s'en fout, il vit de mater, puis c'est tout. Il est loin le temps passé, quand il rageait de bacheter. On vient m'appeler pour une partie, désolé je réponds, je nie. Vraiment non, je ne peux pas, moi j'ai le bac dans un mois. Je les vois boire et danser, ils n'ont pas le bac à potasser. Pendant que moi, tout bêtement, je parle du cercle ou du segment. Lorsque je pense à mon chenille, qui est en photo là sur mon lit, je me domine et pense tout bas, que j'ai le bac dans un mois. Avouez-vous qui m'écoutez, qu'on est idiot de se soucier. Pourquoi bûcher pendant un an, ce qu'on oublie en moins de temps. Hey! Je suis bien d'accord avec vous, car dans un mois le bac sera passé. Je pourrai, soyez-en sûr, bien me rattraper, boire et danser, m'amuser et chanter, aimer, flirter. Bien me rattraper, boire et danser, m'amuser et chanter, aimer, flirter. Claudine Copin, le twist du bac. Salut la copain, c'est ainsi que la publicité annonce l'arrivée de cette jeune dactylo aux cheveux courts chez Barclay où elle enregistre. On pense d'ailleurs que son twist du bac va rivaliser avec L'école est finie de Sheila. Ah, hélas, ce ne sera pas le cas et après avoir sorti 4,45 tours, son contrat sera résilié. Après le départ de son directeur artistique. Qu'il est doux le temps des vacances, doux le temps des lilas, qu'il est bleu le ciel de Provence quand je suis dans tes bras. La plage est triste sous la pluie quand tu n'es pas là, et le petit de peine s'ennuie quand tu n'es pas là. Mais nous pourrons courir sans fin et rire aux éclats dans la calanque au sable fin quand tu reviendras. Qu'il est doux le temps des vacances, doux le temps des lilas, qu'il est bleu le ciel de Provence quand je suis dans tes bras. Qu'il est doux le temps des vacances, doux le temps des lilas, qu'il est bleu le ciel de Provence quand je suis dans tes bras. Il n'y a plus un arbre vert quand tu n'es pas là. Mon cœur a son manteau d'hiver quand tu n'es pas là. Mais en haut des pins parasols, le soleil rira comme une fleur de tournesol quand tu reviendras. Qu'il est doux le temps des vacances, doux le temps des lilas, qu'il est bleu le ciel de Provence quand je suis en tes bras. Qu'il est doux le temps des vacances, doux le temps des lilas, qu'il est bleu le ciel de Provence quand je suis en tes bras. La mer au loin fait le gros dos, quand tu n'es pas là, les marrons perdu leur drapeau. Quand tu n'es pas là, mais tout aura l'air d'un décor pour un opéra. Mais longtemps sera sur le port quand tu reviendras. Qu'il est doux le temps des vacances, doux le temps des lilas, qu'il est bleu le ciel de Provence quand je suis dans tes bras. Qu'il est doux le temps des vacances, doux le temps des lilas, qu'il est bleu le ciel de Provence quand je suis dans tes bras. Qu'il est doux le temps des vacances, doux le temps des lilas, qu'il est bleu le ciel de Provence quand je suis dans tes bras. Qu'il est doux le temps des vacances. Des vacances, à l'instant, c'était Romuald. En avril 66, les radios s'en emparèrent dès sa sortie, propulsant Weezing à la deuxième place du hit-parade anglais et à la première aux États-Unis. Ce succès, aidé par l'odeur de soufre qui se dégage des paroles de la chanson, va permettre aux Trucks d'accéder à la notoriété en quelques mois. Juin, 1200 personnes assistent au concert de Louis Armstrong au Palais des Sports. Le 20 juin, 12 000 personnes assistent au dernier concert de la tournée des Beatles au Palais des Sports de Paris. Nous sommes en 1965 et pour le rossignol anglais du Gaufret, c'est trois couplets en espagnol et le reste en anglais. Je te tournerai les pages, je te chanterai. rossignol, trois couplets en espagnol, c'est tout le reste en anglais. Chante, chante, rossignol, trois couplets en espagnol, c'est tout le reste en anglais. La mignonne, mignonnette, emmène-moi dans ton lit, couche-moi dans ta couchette, il va faire bon dans ton nid. J'ai tellement voyagé, tellement connu de dame, je suis très très fatigué, tu apaiseras mon âme. Chante, chante, rossignol, trois couplets en espagnol, c'est tout le reste en anglais. Rossignol, trois couplets en espagnol, tout le reste en anglais. À Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne, les Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Toi l'ami loin de bien, loin déjà.

piece of first, just go sleep. Turn the wider shade of bed. Radio, Play Branché avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Le personnage de James Bond 007, on apprend le décès de l'écrivain britannique Ian Fleming. Le quart d'une colonie de vacances d'Arras tombe dans un ravin au col du Petit Saint-Bernard. Après une chute de 85 mètres, on dénombre 17 tués et 30 blessés. Bruce Reynolds, l'homme du train postal, fait évader son complice Charles Wilson de la prison de Birmingham. Nous sommes en août 1964 et je vous propose de découvrir quelques titres classés dans le hit parade de l'époque. Ils sont 48e avec I Get Around. Ce sont les Beach Boys que l'on retrouve. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave the best girl home on a Saturday night. I get around. Sheila classe Un monde sans amour à la 44e place du hit de parade d'août 1964. L'aviation turque bombarde Chypre. Aussitôt, l'URSS menace d'intervenir dans le conflit. Bien des gens m'ont dit, la vie n'est pas jolie, la douceur, le bonheur n'ont plus cours ici. Je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. Oui, j'entends souvent chanter le clair printemps. Au réveil, le soleil, les oiseaux sont là. peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. À la pluie, à l'arc-en-ciel, à l'enfant qui s'émerveille, à ces roses ouvertes au ciel, mon cœur dit merci, vous donnez la vie, oui. Quelqu'un là-haut nous fait tous ces cadeaux. Si les fous, les jaloux ne voient rien du tout, moi je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. Les oiseaux sont là, moi je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. Moi je ne peux pas vivre un seul jour dans un monde sans amour. Après les Beatles et les Stones, les Animals sont la grande révélation du rock anglais pour l'été 64 avec leur fantastique hit House of the Rising Sun qui se classe en France directement à la 37e place du hit parade. 1964. Les Beatles sortent Quatre garçons dans le vent. Robert Stack incarne les incorruptibles. À Chypre, les casques bleus interviennent. Les cendres de Jean Moulin, le héros de la résistance, sont transférées au Panthéon. Joseph Losey étudie les rapports maître-esclave dans The Servant. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants. Schweppes pétille et le téléphérique le plus rapide d'Europe est inauguré à Argentière, au Grand Montais. C'était pas des amis. Mobile se paye un nouveau logo. Les sœurs apparaissent. Le scotch invisible également. La star Matador, El Cordobès, est encore née. Vous permettez, monsieur. Docteur Follamour de Stanley Kubrick est adulé. Et Nehru, le premier ministre indien, est pleuré. M'offrir son amour. Mais j'attendais le temps qu'il faudra. Mais tu seras bientôt à moi. Oh, tu seras bientôt à moi. Et je cherche souvent les miens pour lire l'aveu que je retiens. Et quand ils se posent sur moi, ils disent que tu m'aimes déjà. Que tu seras bientôt à moi. Que tu seras bientôt à moi. Il faudra qu'il arrive ce jour. Me donneras ton amour. Mais j'attendrai le temps qu'il faudra. Mais tu tomberas dans mes bras. Et tu seras bientôt à moi. Et tu seras pour toujours à moi. Bientôt à moi. Il est 16e Dick Rivers, bientôt un mois avec cette reprise You Know Fade Away de Buddy Holly. En ce mois d'août 1964, Dick Rivers vient de s'offrir une Alfa Romeo et Claude François qui classe J'y pense et puis j'oublie à la troisième place du hit parade s'est offert lui une Ferrari. Si je t'aime encore et si je pense encore à toi, il me demande de parler de mon cœur, si triste depuis de longs mois. Je mens un peu, dis peu, et je dis fièrement, cette histoire est finie. Mais je dois avouer que certains soirs, peut-être, parfois j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. Si j'ai pleuré et si je pleure encore pour toi, mais s'il me le demande, c'est tout simplement pour pouvoir rire de moi. Si je mens un petit peu et je dis fièrement, je n'ai jamais pleuré de ma vie, c'est tout juste si les yeux me picotent un peu lorsque j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je...

bye bye et pour la vie. C'était écrit, c'est fini avant de commencer. À quoi bon vouloir nous cacher que nous n'avons pas trouvé ce que l'amour devait nous apporter. Nous avons fait de notre mieux et loin du cœur et loin des yeux. Restons amis et disons-nous adieu. Adieu, bye bye. Claire que Bye Bye Mon Amour, reprise du tube de Ricky Nelson, Hello Merido. Savez-vous la différence qu'il y a entre Ricky Nelson et Elvis Presley? Eh bien, elle est toute simple. C'est que les filles qui achetaient les disques d'Elvis rêvaient de passer la nuit avec lui, tandis que celles qui craquaient pour Ricky Nelson se seraient volontiers contentées d'un petit flirt. I've done everything I can. I hope that you will say that I'm your loving man. Make up your mind, and do what you're gonna do. Well, you know how I feel, so I'm leaving it up to you. Willing and able, love you faithfully. Ricky Nelson, It's Up To You. 100 ans après la prise de Constantine, le 11 décembre 1938, le petit Gaston Genacia, alias Enrico Macias, voit le jour. Début 62, comme des milliers de pieds noirs, il quittera l'Algérie. En 1963, il devient le pacifiste du soleil avec une chanson en forme d'hymne. Enfant de tout pays que vous connaissez tous par cœur. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez mais l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, ne prisonnez l'amour et lui donnez la vie. Enfant de tout pays et de tout cœur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfant de tout pays, donnez vos mains, sauvez l'amour et lui donnez la vie. Deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez mais l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gemozo. Chanson, mais Francky Alamo, des filles et des garçons. Sur Radio Gémozo, la musique s'écoute en deux versions. Avec d'abord Lucky Blondeau, Hey Baby, pour la version française. Je me suis dit que je n'avais jamais vu, jamais de ma vie, une fille aussi, aussi jolie que toi, oui, baby. Hey, baby, oh, est-ce que tu veux être mon ami? Quelle tête tu faisais quand je t'ai abordé, tu as rougi et puis tu t'es sauvé, juste au moment où je te disais, hey, baby, oh, est-ce que tu veux être mon ami? Mais je t'ai couru après et je t'ai rattrapé. Alors tu m'as souri et tu m'as dit oui quand je t'ai dit hey, baby, oh, est-ce que tu veux être mon ami? Hey Baby, après la version française, la version originale, elle est interprétée par Bruce Chanel. Hey, hey, hey. avec Gérard. C'est roquement bon. You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. I squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. From his daddy's side, and that's how our love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm the kitchen. Daddy's side, and that's how my love is gonna keep us tied. Yes, sir, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah. Le roi Presley, Stuck on You. Sachez que si l'on voulait jouer à la suite tous les disques qu'Elvis a vendus durant sa carrière, il faudrait pour cela 27 211 ans. Et oui, groupe mythique des années 60 derrière les chaussettes noires, les chats sauvages, Oh Boy. Oh, quand la peur fait froid au cœur, qu'il manque au jour un peu de rose à l'amour. Oh, oh, oh. Ça peut nous tricher, ça peut nous de tout changer. Ouais, ouais. Aussi les mots n'ont plus d'écho, pas plus que ton cœur. Ah, alors j'ai peur. Oh boy, yeah yeah yeah. Oh boy, oh oh. Ça peut nous tricher, ça peut nous de tout changer. Ouais, ouais. Froid au cœur, qu'il manque au jour un peu de rose à l'amour. Oh boy, yeah yeah yeah. Oh boy, oh oh oh. Ça me donne envie de tricher, ça me donne envie de tout changer. À tout jamais être à la hauteur d'un grand bonheur. Oh boy, yeah yeah yeah. Oh boy, oh oh oh. Heureux sans vouloir changer, je n'aurai plus envie de tricher. Ouais ouais. Heureux sans vouloir changer, je n'aurai plus envie de tricher. Oh oh oh. Heureux sans vouloir changer, je n'aurai plus envie de tricher. Il a commencé comme guitariste dans le groupe El Toro et Les Cyclones. Puis il accompagnait Eddie Mitchell, composait des chansons pour Françoise Hardy. Il, c'est Jacques Dutronc et son tube de l'année 66, Les Playboys. Il y a les Playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Cardin. Qui roule en Ferrari à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Tombe à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlète. Aux yeux d'acier, au sourire coquet, en Harley Davidson, ils se promènent. Croyez-vous que je sois jaloux? Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous du sang, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Aux mannequins de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine. Mais je touche recommence, il fait cracoumi, cracoumi, cracoumi, cracoumi. Venez de nous rejoindre, bienvenue sur Radio Guémozo. Si Elvis Presley est le roi du rock'n'roll, Bill Haley en est le père spirituel. Dans quelques minutes, dans notre rubrique Le Coin du Spécialiste, nous évoquerons la carrière de Bill Haley. Mais auparavant, nous aurons Sylvie Vartan, Réponds-moi. Merci de nous accompagner, excellent après-midi sur Radio Guémozo. J'attendais Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gémozo. William John Clayton Alley, alias Bill Alley, est né en 1925. Plus âgé que ses auditeurs, Bill Alley ne s'est jamais montré sans son légendaire accroche-cœur, sorte de virgule soigneusement entretenue au sommet d'un front populaire. Le nom de Bill Alley était indissociable d'une certaine image. Il l'est aussi d'une chanson historique entre toutes, Rock Around the Clock, enregistrée à New York le 12 avril 1954. Ce morceau demeure probablement le rock'n'roll le plus célèbre. Au moment de sa sortie, son succès fut relativement restreint. Mais son emploi, un an plus tard, dans le film Graines de violence de Richard Brooks, en fit un succès planétaire. Un standard du rock'n'roll. Mais le triomphe n'arriva pas du jour au lendemain. Bill Alley avait déjà 30 ans quand sortit le film, bien qu'il ait fait ses débuts à 13 ans. À force de penser au rock comme à l'expression d'une manière de vivre, pour ne pas dire fureur, comme au cri d'une jeunesse rebelle, désemparée, parfois violente, à force d'associer rock et bécane, rock et défonce, rock et sexe, on finit par oublier que le rock était et demeure une danse. Et si l'on pense au rock sous cet aspect comme à la plus irrésistible invitation à se trémousser, dans ce cas, un nom vient immédiatement à l'esprit, celui de Bill Alley. Comme beaucoup de nos pionniers, Bill Alley nous a maintenant quittés et ce jour-là, le 9 février 1981, Bill Alley est entré à jamais dans la légende du rock'n'roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Put the glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock. Around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band goes down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. My baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. Now when I asked her what's the matter, this is what I heard her say. I'll see you later, alligator. Well, after a while, crocodile. I'll see you later, alligator. see your grandpa's tired. Well, then I thought of what you told me. I nearly made me lose my head. When I thought of what you told me, I nearly made me lose my head. Well, the next time that I saw her, reminded her of what she said. I see you later, alligator. Well, after a while, crocodile. I see you later, alligator. Well, after a while, crocodile. Now don't you know you're in my way now? But can't you see your grandpa's style? Sorry, pretty daddy, I know you mean it just for play. She said, I'm sorry, pretty daddy, I know you mean it just for play. Now don't you know you really hurt me, and this is all I have to say. I'll see you later, alligator. Well, after a while, crocodile. I'll see you later, alligator. Farewell. Let's dance rock and roll. Well, when I get the blue, Lordy, get me a rocking chair. Oh, when I get the blue, Lordy, get me a rocking chair. If the blues overtake me, gonna rock right away from here. Now when I get a lonesome, I jump on the telephone. Yeah, when I get a lonesome, I jump on the telephone. Would call my baby, tell him on my way back home. I'm gonna flip, flop, and fly. Lord, you don't care if I die. I'm gonna flip, flop, and fly. Yes, I don't care if I die. Don't ever say goodbye. Oh, here comes my baby, flashing the new gold tooth. Yeah. Come my mama, flashing a new gold tooth. Oh Lord, she is so small, she can mumble in a payphone booth. I'm like a Mississippi bullfrog sleeping on a hollow stump. Yeah, I'm like a Mississippi bulldog sleeping on a hollow stump. Yeah, I got my soul man and women, I don't know which way to jump. Whoa, I'm gonna flip, flop, and fly. Lord, I don't care if I die. I'm gonna flip, flop, and fly. Yes, I don't care if I die. Oh, Lord, don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Oh, my. Yeah. Whoa, flip, flop, and fly. Feel so doggone fine. Yeah, Lord, it feels so lovely. Feels so doggone fine. Yeah, well, love me, pretty baby, till the feeling hits my head like wine. Yeah, I'm gonna flip, flop, and fly. Lord, I don't care if I die. I'm gonna flip, flop, and fly. Yes, I don't care if I die. Oh, Lord, don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Oh, my red old man. Yeah, you try to fly. Oh, me, oh, my. Yeah. Come on, yeah. Oh, my. kitchen and rattle those pots and pans. Yeah, get out now the kitchen and rattle those pots and pans. And I'll roll my breakfast, cause I'm a hungry man. I say shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. You gotta shake, rattle and roll. You better shake, rattle and roll. Well, you won't do nothing to save your doggone soul. Wear those dresses, your hair drawn up so nice. Yeah, you wear those dresses, your hair drawn up so nice. Well, you look so warm, but your heart is cold as ice. your mark. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody rise on the dice. Everybody rise on the dice. Everybody rise on the dice. Everybody rise on the dice. All night long. Well, on and on and on. That's the rise on the dice. Rise on the dice. All the day, rock and rollin' all the way, rock and rollin' to the end till the saints go marching in. Now when the saints go marching in, well when the saints go marching in, yeah Lord, I wanna be in that number when the saints go marching in. Well now. Come to wailing in. Radio Guémozo, des souvenirs plein la tête. Thank you. Qui battait très fort en 1965, c'était celui de Françoise Hardy. Rien qu'un seul mot, heureux, c'est satisfaction que tu dais. Mitchell, rien qu'un seul mot, ou les Rolling Stones, Satisfaction. Adaptation ou version originale, allez sur Radio Guémozo, c'est notre troisième et dernier match, c'est aussi votre dernier choix. Je me voyais les à côté de Paris s'inaugure l'aéroport d'Orly. En 10 fois plus gros que n'importe qui. Anouk Aimée, la bien nommée, trouble à jamais les étudiants boutonneux dans Lola. L'impétueux Charlton Heston séduit la somptueuse Sophia Loren qui ne demande que ça dans Le Cid. En Israël, Adolf Eichmann, le bourreau nazi, est condamné à mort. Parallèlement, Stanley Kramer ose le jugement à Nuremberg avec Spencer Tracy, Burt Lancaster et Marlène Dietrich. En Allemagne, les Russes commencent à construire un mur qui deviendra vite celui de la honte. À l'ouest, du nouveau, beaucoup de nouveau. Et pour commencer, les premiers Kleenex. Jean-Paul Belmondo, encore sérieux, incarne Léon Morin prêtre et Antonioni Michelangelo de son prénom sort la nuit avec l'autorisation de ses parents. La poêle Tefal, qui n'en finit pas de ne pas accrocher, fait des petits. Jean Marais, encore une fois, pré-chevalier et le capitaine fracasse pendant qu'une brochette de stars nous compte leurs amours célèbres. On ne sait où il habite. Crunch est plein de bulles. Et pour la première fois, un homme est envoyé dans l'espace. Il est russe. Il s'appelle Yuri Gagarin. jusqu'à minuit. Allez, rassurez-vous, nous n'irons pas jusque là. Nous venons de passer 2 heures ensemble. Eh bien, c'est long et c'est court à la fois. Salut les 60, merci de nous avoir tenu compagnie cet après-midi. On se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission et dimanche à partir de 10h pour la rediffusion de celle-ci. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Gémozo. Notez bien notre adresse internet radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. Et voilà de la purée mousseline. Encore. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ah, je vais en manger tellement que je serai grand comme un géant. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend.